Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 87. De la rémission des péchés véniels. Le péché véniel n'est pas remis sans la pénitence, mais il peut l'être sans une nouvelle infusion de la grâce sanctifiante. Action qui le remette. Il ne l'est pas sans le péché mortel. 1. Le péché véniel peut-il être remis sans la vertu de pénitence? Le péché véniel jette un certain désordre dans la volonté de l'homme par l'attachement immodéré au bien créé. Il ne saurait être pardonné, tant que la vertu de pénitence ne vient pas dégager la volonté de ses liens. La cause restant, l'effet reste aussi. Remarquons-le ici, pour la rémission de ce péché, ce n'est pas assez de la détestation habituelle de la vertu de pénitence, puisque, comme nous l'avons reconnu ailleurs, il n'est pas incompatible avec la charité, il faut, au moins, la détestation virtuelle qui se rencontre dans la ferveur de la charité, lorsque, par exemple, le cœur de l'homme, s'élevant vers Dieu et vers les choses divines, regrette toute action qui retarde son essor. 2. Faut-il une nouvelle infusion de la grâce pour la rémission des péchés véniels? Nous l'avons reconnu dans la seconde partie, le péché véniel n'enlève ni ne diminue la grâce habituelle. Donc une nouvelle infusion de cette grâce n'est pas nécessaire pour le remettre. En effet, bien qu'il ralentisse l'acte de la charité en attachant l'homme au bien créé, il n'est pas contre Dieu. Sa destruction, dès lors, n'exige pas l'infusion d'une nouvelle grâce habituelle, un mouvement de la grâce actuelle ou de la charité suffit pour le remettre. Mais comme, dans ceux qui ont l'usage du libre arbitre, les seuls qui puissent pécher véniellement, l'infusion de la grâce n'a jamais lieu sans un mouvement actuel de cette faculté vers Dieu et contre le péché. Il est remis toutes les fois que la grâce est infuse de nouveau dans une âme. Note. La grâce en opère la rémission par un acte qu'elle fait produire, mais non pas nécessairement par quelque chose d'habituel qui s'infuserait dans l'âme. Bien qu'il ne soit jamais effacé sans un acte explicite ou implicite de la vertu de pénitence, il peut l'être sans le sacrement de pénitence qui se consomme formellement dans l'absolution du prêtre, et, pour cette raison même, l'infusion de la grâce habituelle n'est pas nécessaire à sa rémission, car, si cette infusion s'accomplit dans tous les sacrements, elle n'a pas lieu cependant dans tous les actes de vertu. Fin de la note. 3. Les péchés véniels sont-ils remis par l'aspersion de l'eau bénite et par d'autres cérémonies semblables? 3 sortes d'actes remettent les péchés véniels. D'abord, ceux qu'accompagnent l'infusion de la grâce qui efface tous les péchés. Et c'est de la sorte que les péchés véniels sont remis par l'Eucharistie, par l'extrême onction, et généralement par tous les sacrements de l'Église. Ensuite, les actes qui renferment par eux-mêmes la détestation du péché, par exemple, la confession générale, le frappement de la poitrine, et l'oraison dominicale où se trouve cette prière, pardonnez-nous nos offenses. Note. Par la confession générale, notre auteur entend la récitation du Confiteor. Fin de la note. Enfin, tous les actes qui se font par respect pour Dieu et pour les choses saintes, la bénédiction de l'évêque, l'aspersion de l'eau bénite, les onctions sacramentelles, la prière dans une église consacrée, et les autres semblables. Note. Toutes ces pratiques remettent la peine du péché à proportion de la satisfaction qu'elles renferment et de la charité qu'elles excitent. Mais l'attachement actuel de l'âme au péché peut en arrêter l'effet. Fin de la note. 4. Le péché véniel peut-il être remis sans le péché mortel? Conformément à cette parole de l'apôtre, il appartient à la grâce de Dieu de ne point imputer le péché, Romains 4, 8. Le péché mortel ou véniel n'est remis que par la puissance de la grâce. Or celui qui est en péché mortel n'a pas la grâce de Dieu, donc aucun péché ne lui est remis. Note. Si la rémission du péché véniel ne nécessite pas une nouvelle infusion de la grâce habituelle, elle n'en exige pas moins un acte émané de cette grâce même. De là vient que ce péché ne saurait être remis sans le péché mortel. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.